Radio Scandale à Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes buteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Coucou. Bienvenue dans Pédale. Arrêtez. Bienvenue dans Pédale Scandale sur Radio Dio 89.5 et radiodio.org. Si on est de très bonne humeur, c'est parce que ce soir c'est une émission un peu spéciale parce que c'est déjà les 2 ans de l'émission. Pour l'occasion, on a eu envie de changer le format et plutôt que faire une émission thématique comme on en a l'habitude, l'équipe d'aujourd'hui va vous proposer plein de chroniques sur différents sujets. L'idée c'est de parler de ce qui nous touche en tant que pédale, de ce qui nous anime, ce qui nous énerve, ce qui nous fait rire, ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne de la force ou de l'espoir et qui nous aide à tenir. En plus, ça y est, c'est bientôt l'hiver. Et à Saint-Étienne, encore plus qu'ailleurs, on sait que l'hiver, c'est une période un peu effrayante. Il fait nuit tôt, il fait froid, il y a moins d'événements aux croisées du monde, on se sent plus seul, on s'inquiète pour celles et ceux qui le sont, en essayant de pas boucler sur les souvenirs hardcore des hivers précédents. On passe trop de temps sur Internet pour pas trop penser. On oublie que voir ses amis juste pour se parler, ça fait du bien. Parfois, l'hiver, tout pèse très lourd, comme si la neige était déjà là sur les épaules et le monde horrible dans lequel on vit ne fait rien pour arranger les choses. Alors on continue d'envoyer tout notre soutien au peuple palestinien qui résiste à un génocide et à la colonisation israélienne depuis 76 ans, à George Ibrahim Abdallah, à tous les militants et militantes kanaks enfermés et aussi à toutes les personnes vivant aux États-Unis et ailleurs qui vont devoir tenir et s'organiser face à la réélection de Trump. Et ce que ça va vouloir dire en termes de violences racistes, sexistes et transphobes. Oui, c'est plombant, mais face à tout ça, il ne faut jamais arrêter de créer des solidarités partout où elles peuvent exister, de créer des communautés de soins et de lutte et de fabriquer des belles histoires dont on peut être fier. Et quoi de mieux que d'être des grosses pédales pour faire ça? Alors, bonjour les pédales. Aujourd'hui, écrire une chronique pour l'émission. Écrire sur quoi? Bah, sur des pédales, bien sûr. Ou alors sur un sujet de pédale. Ou sur ce que peuvent vivre des pédales. Bon. Petit défi à relever pour moi. Écrire, en plus, entouré d'une émission de personnes qui écrivent et parlent plutôt bien, avec du style, de l'aplomb, et qui parlent de choses qui font sens. Voilà. Au départ, je pensais pas faire de chronique. J'étais pas à La Réunion, et j'avais compris que ce serait une émission avec des chroniques culturelles sur des livres, des films, qui parlent de pédales, faits par des pédales, ou sur des sujets qui concernent les pédales. Moi, au niveau culture, c'est pas ouf. Alors, niveau culture pédale, ça va vraiment pas très loin. J'ai dû lire 2 livres, voir 3 séries, et peut-être quelques films, et 1 ou 2 spectacles, quand même. Bon. C'est vrai que la pédalerie, pour moi, c'est récent. Les portes du placard étaient plutôt bien scellées, et je crois qu'elles sont pas encore toutes ouvertes. Mais, en fait, sans parler de culture pédale, est-ce que j'ai beaucoup de culture en général? Je dirais que non, en fait. Il doit me rester quelques bribes de quand j'ai essayé d'être une transfuge de classe. Des noms comme Jean-Luc Lagarce, Jean Villard, Olivier Py. Ah bah tiens, en voilà des pédales. Ou plutôt des gays, en fait. Que j'en sais rien, mais je pense que c'est plutôt dégueu. Bon, en tout cas, cette période, ça a pas très bien marché, j'ai très vite tout oublié, et on m'a plutôt bien rappelé que j'étais pas dans mon monde. J'avoue que j'ai pas insisté. Côtoyer la petite bourgeoisie m'a pas fait beaucoup de bien. Ça part un peu dans tous les sens, mais je crois que j'ai trouvé mon sujet. Je crois que j'ai envie d'interroger nos rapports de classe entre pédales. C'est un bon petit sujet culture, non? Bon, alors, que dire là-dessus et par où commencer? Bah, je vais commencer par moi, hein, comme d'habitude. J'avoue, j'ai pas commencé ma vie avec un énorme capital économique et encore moins culturel. En tout cas, pas celui qu'on peut facilement mettre en avant. Dire qu'on sait traire les chèvres, nourrir les poules, faire du fromage, ça prend une phrase et après c'est fini. Et niveau pédalerie, c'est pas beaucoup mieux. Dernière d'une fratrie de 6, dont 5, 6 hétéros. Oui, la 6e, c'est moi. qui avaient tous pour objectif de trouver un travail, une femme ou un mari, puis une maison, puis les enfants, et la vie est accomplie. Voilà, bah, il n'y a pas trop de représentation pédale là-dedans, et ni même de possibilité pour moi de me découvrir comme tel. Ah si, une fois, il y a eu un apprenti gay sur la ferme. En vrai, il était vraiment chouette. Mais le patriarche, mon père, ne l'aimait pas, et comme il disait, il avait peur qu'il lui saute dessus. Voilà. Plutôt courant, hein, comme réaction, plutôt classique d'un métis blanc en doute sur sa virilité, on va dire. Bon, je pars un peu dans tous les sens, et je parle pas trop de rapport de classe, là. Bon, je disais tout ça avec ma famille, pourquoi? Oui, parce que la culture valorisée et la représentation de pédale étaient plutôt inexistantes dans le début de ma vie. Bon, après tout ça, j'ai fait des études, et là j'ai rencontré beaucoup plus de pédales. Ou en tout cas des gays et des lesbiennes. Et à partir de cette période de ma vie, je me suis rendu compte que souvent, j'étais entouré de personnes plus cultivées que moi, plus riches que moi, et aussi avec des meilleurs rapports familiaux, donc plus de soutien matériel que moi. Donc la plupart du temps, pas toujours, hein, mais souvent plus valides que moi. En tout cas, d'un côté économique. Et je suis pas en train de dire que c'est plus facile d'être une pédale quand on vient du milieu bourgeois. Mais quand même, souvent, on a un peu moins de problèmes matériels ou de stress lié au peu d'argent qui nous rattrape. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est des rapports de classe entre pédales? Déjà, je crois que j'ai envie de dire que, quand même, c'est dans cette commune que j'ai eu le moins de difficultés à côtoyer des personnes issues de classes bourgeoises, ou toujours dans des classes bourgeoises, et à m'entendre avec elles, à pouvoir parler de ça, évoquer nos rapports de classe, nos histoires, voilà. Cependant, il reste quand même quelques problèmes. Déjà, je crois que j'ai beaucoup de mal avec l'opulence et la décadence bourgeoise. Même quand j'en bénéficie parce que je côtoie ces personnes. Ensuite, j'ai beaucoup de mal avec les belles phrases, la langue de bois, les belles prises de parole, les beaux monologues avec des mots bien choisis, qui disent pas les choses franchement et qui tentent de nous manipuler facilement en jouant sur nos émotions, sans parler de problèmes de fond, qui prennent en compte seulement certaines personnes. Bon, voilà. Ce que savent bien faire les bourgeois. Troisième problème, plutôt majeur en vrai, la thune. Voilà. Je pense qu'on est quand même dans un milieu où on peut dire qu'il y a certaines personnes qui ont de l'argent. Et c'est jamais trop évoqué. Par contre, on sait bien que dans notre milieu, ben il y a plein de gens qui en ont besoin. On sait bien qu'il y a plein de gens qui galèrent. Et on sait aussi plus ou moins qu'il y a des gens qui ont 20 000 euros ou plus, qui dorment sur un compte, et qu'en plus de ça, ces personnes vont toucher un héritage. Voilà. Tout ça pour dire que il reste des questionnements à traiter dans nos rapports de pédale, enfin nos rapports de classe entre pédales, et qui reste un individualisme constant qui nous a bien été intégré par cette société. Après, je fais la morale, mais peut-être, si c'était moi qui les avais, les 20 000 euros sur un compte, je les garderais et j'en parlerais à personne. Bon, c'est pas si sûr. Mais ce qui me gêne parfois, je crois, c'est qu'il y a des sujets qu'on évoque que dans un sens. Par exemple, on parle de qui a besoin de thunes, ou pourquoi on a besoin de la thune, mais on parle pas beaucoup de qui en a de la thune. Voilà. En tout cas, les pédales restent les pédales, et je les aime pour plein de raisons. Mais je veux dire qu'à certains moments, je me sens quand même plus proche des pédales issues des milieux prolos, paysans ou précaires. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on comprend un peu mieux nos réalités, nos stress. Voilà. Je vous laisse sur ces petites réflexions du moment. Et je vous dis à bientôt, et je vous fais plein de bisous. Der Asphalt brennt, die Wolken stehen tief. Heute ist der Tag eurer Dystopie. Pures Glück, das durch meine Venen fließt. Das ist die große Party, die ich euch vermies. Spürt ihr meine Freude? Hört ihr das Gewitter? Meine Augen funkeln, meine Zunge bitter. Ein Feuerwerk. Große Euphorie. Willkommen in der Transagender-Dynastie. Ich bringe aggressives Kerosin in meinem Kanister. Turfs kriegen von mir gar nichts außer Mittelfinger. Es gibt endlich auf die Fresse, das geschieht euch recht. Ich und meine Trans-Cuties feiern heute ein Fest. Eure Theorie zerbricht in tausend Splitter. Wir sind keine ausgedachte Dunkelziffer. Wir sind eine Mio-Existenzen. Eure Meinung ist keine Meinung, das ist Bullshit, ihr Pisser. Ihr seid kein neuer feministischer Flex. Ihr labert Scheiße im Netz. Glaubt ihr seid das Gesetz? Doch eure erfundenen Regeln sind der letzte Dreck. JKs Aposteln, dass ich nicht lache. Ich kick euch alle weg, ey. Diese miesen Argumente, getarnt als Protest. Die hab ich schon als Kleinkind in der Luft zerfetzt. Hab die Taktik gecheckt. Ja, ich gönn mir den Sekt. Denn ihr habt keine Chance. Nein, ihr kriegt mich nicht. Zum Mittagessen? Ich glaube Beef. Ich chill im Fitnessstudio. Draußen Apokalypse. Ihr macht Pausen? Ich mach Liegestütze. Ich bin die hotteste Maus. Werd euch alle frittieren und leise lächeln, wenn eure Herzen erfrieren. So kaltblütige Scheiß-Turfs, die haben alle Schiss vor ihrer eigenen Queerness. Niemand ist cis und niemand hört euch zu, ja? Ich bin trans und hab gewonnen, ihr seid Loser. Mache Hate zu Cash, mir geht's super. Ihr habt keinen Style und ich bin cute. Ja, ich chille, ich habe keine Eile. Ich werde immer reicher und ihr seid bald pleite. Ja, ihr zählt eure Sorgen und ich zähl meine Scheine. Ich zieh große Kreise und ihr zieht jetzt Leine. Vous êtes toujours sur Pédale Scandale, sur Radio Audio, enfin dans Pédale Scandale sur Radio Audio. On vient d'écouter Transagenda Dynasty, un titre du groupe Kérosine 95. Alors moi je voudrais vous parler du réalisateur Alain Guiraudy et de son dernier film, Miséricorde, que nous sommes quelques-uns à être allés voir ensemble. Ça n'est pas son premier film, loin de là, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, avec Le Roi de l'Évasion en 2009 ou L'Inconnu du Lac en 2013, qui avait gagné le prix Un Certain Regard à Cannes. Alors on s'en fout, mais Un Certain Regard, c'était quand même assez bien trouvé pour un film de PD qui drague sur une plage. Personnellement, ça fait longtemps que je le suis, c'est Alain Guiraudy, depuis Voici venu le temps, que j'étais allé voir à sa sortie en 2005. Parce que les critiques le présentaient comme un réalisateur communiste guerre régionaliste. Ça me paraissait donc intéressant. À l'époque, on n'était pas nombreux dans la salle et j'avais halluciné sur cette histoire vaguement fantastique, tournée dans le sud-ouest, où la fille d'un bourgeois grand propriétaire se fait enlever par le plus grand bandit de la contrée et où du coup, tous les guerriers du pays se mettent en chasse sur fond de mouvements de libération des bergers asservis par les grands propriétaires. Le héros de l'histoire, Fogo Lompla, guerrier de recherche, parce qu'il y a plusieurs classes de guerriers, hein. Guerrier de recherche hors pair, se pose bien des questions sur l'introuvable bandit, sur son combat en faveur des bergers, sur sa vie de guerrier connu mais précaire, qui lui demande d'être en perpétuelle errance, et sur ses histoires d'amour impossibles avec des hommes indisponibles. On retrouve bien des thématiques dans ce dernier film, donc Miséricorde, mais dans un environnement globalement plus réaliste. Quoique, mais toujours aussi rural, et cette fois quand même assez étrange, inquiétant et drôle à la fois. Donc, dans Miséricorde, on est dans un bled dans l'Aude, je crois, et Jérémy, boulanger, la trentaine, revient au village pour l'enterrement de son ancien patron, chez qui, a priori, il a fait son apprentissage. Il y retrouve Martine, la veuve du boulanger, qui le loge après les obsèques, et Vincent, le fils, qui travaille à l'usine. Et tous les souvenirs remontent, enfin certains souvenirs du moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de non-dits, comment Jérémy était amoureux de son patron, les relations fortes mais pleines de non-dits avec Vincent, l'ouvrier, et Walter, l'agriculteur, qui se débrouille comme il peut. Dans tout ça, il y a le curé qui passe quand même beaucoup de temps dans la forêt pour ramasser des champignons, et voilà Vincent qui disparaît. Voilà pour l'histoire. Alors un copain m'a demandé, mais alors quel genre de film c'était ? C'est pas facile à dire. Est-ce que c'est un polar puisqu'il y a un mort ? Bah, c'est pas vraiment un film policier puisque nous, spectateurs, on sait déjà où est le cadavre et qui l'a tué. Donc en termes d'enquête, ça manque de suspense. Pourtant, du suspense, il y en a. Ça pourrait être un thriller puisqu'on se demande pendant tout le film, et moi ça m'a un petit peu angoissé, je dois dire, comment le meurtrier va être découvert. Mais on n'a pas d'armes, on n'a pas de course-poursuite ou autre. Encore que l'ambiance vraiment étrange devient vite un peu stressante, mais très drôle aussi. Donc c'est surtout une comédie où les personnages semblent complètement décalés de ce qu'ils devraient être. Pour leur enquête, les gendarmes se baladent quand même beaucoup dans la forêt et boivent un petit peu trop de pastis. Monsieur le curé tient certains discours qu'on n'attendrait pas d'un abbé. Alors, c'est pas du cinéma gay non plus, puisque même si certains personnages couchent avec des hommes, ils n'ont pas l'air de se définir comme gays à proprement parler. Et on est de toute façon loin des gays classe moyenne qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Bref, c'est un film qui nous amène là où on ne s'y attend pas, qui nous a beaucoup fait rire, mes camarades et moi, et qui nous a un petit peu estomaqué. Vu les conversations à la sortie, on n'arrivait plus à se quitter, encore tous amusés, questionnés, voire perturbés par ce film, où on s'est quand même demandé où voulait en venir Alain Guiraudy, le réalisateur. Personnellement, j'ai encore adoré, notamment la représentation d'une ruralité profonde et contemporaine, tout à fait hors cliché, de personnages ordinaires dont on parle très peu au cinéma, personnages de la classe des ouvriers et des artisans qui ne se la pètent pas et qui parlent simplement, et représentations de corps qui sortent des canons de la beauté, des personnages ni beaux ni moches, parfois gros, parfois vieillissants, habillés pratiques comme on fait à la campagne, c'est-à-dire quand même pas très stylés, et quelquefois quand même assez nus. Bref, ça sort du cinéma habituel et ça fait du bien. Je ne sais pas si mes camarades ont quelque chose à ajouter sur Miséricorde, le dernier film d'Alain Guiraudy. Je vous prends de court. Je vous prends de court, c'est ça. Alors, on va continuer avec... Je vais continuer avec une... On va continuer sur de la culture. Avec je vais vous parler du dernier roman de Camila Sosa Vilada, Histoire d'une domestication. Entre cynisme et franc-parler, l'autrice nous raconte la vie d'une comédienne, femme mariée, amante, mère adoptive et trans. Elle nous plonge dans une histoire digne d'un conte de fées dans lequel une campagnarde trans se serait perdue et aurait été avalée. Sans ne jamais utiliser un seul prénom de toute l'histoire, Camila Sosa Vilada nous emmène crûment dans les coulisses d'une comédienne millionnaire, dans des vies LGBT bourgeoises et dans l'hypocrisie que le transfuge de classe emmène avec lui. C'est avec acidité qu'on se fait happer par la vie de la comédienne, ses relations intimes avec son metteur en scène, sa rencontre avec son mari avocat PD, l'adoption de son enfant séropo et la complexité de ses relations avec sa famille qu'elle a laissée derrière elle en changeant de classe sociale. Pour vous donner un avant-goût, je vais vous lire un extrait se déroulant pendant le mariage entre la comédienne et l'avocat. Une autre des trans invitées au mariage, une fille de la vieille école, de celle qui semblait resplendir au milieu de n'importe quelle assemblée, et qui n'avait pas bien supporté le champagne, a lancé à la comédienne, sans raison aucune et sans que personne ne le voie venir, qu'elle s'était vendue. Qu'il fallait qu'elle se regarde dans le spectacle de cette fête merdique, qu'il n'y avait que des bobos basanés de merde, elle a dit les choses comme ça, avec ces mots exactement, que c'était plein de bobos basanés de merde qui célébraient le fait que cette vendue s'était mariée avec un PD qui ne la baisait même pas. La mère de la comédienne l'a prise par la main et l'a invitée à se mouiller les pieds dans la piscine, alors la malédiction s'est diluée dans l'air. De toute façon, un grand nombre des autres trans invités, surtout les plus vieilles, jusqu'à la comédienne elle-même, ont pensé que la folle avait raison. Le demi-frère de la comédienne, sombre mais ému, un peu malgré lui, s'est mis à la regarder avec l'avidité née de la certitude de l'avoir perdue pour toujours. il observait les changements de lumière sur la robe rouge dans laquelle cette prétentieuse s'était mariée rien que pour attirer l'attention, pour signifier qu'elle était plus singulière que les autres. Les particules de l'après-midi baignaient la robe d'un tremblement cuivré et le désir qu'il éprouvait pour elle serrait son cœur de gars simple de la campagne, le désir de ses épaules nues, du parfum maudit dont elle l'avait marqué en le prenant dans ses bras. Durant toute la fête, il s'est servi un verre après l'autre avec l'espoir d'éteindre cette chose qui le rendait à la fois fervent et triste. La comédienne l'a invité à danser devant son épouse, qui lui a souri avec tout le dégoût dont elle a été capable, et ils se sont enlacés tandis qu'ils se déplaçaient sur l'herbe, serrés l'un contre l'autre, mettant mal à l'aise l'avocat, la belle-sœur et leur propre père, qui s'est pris en pleine poire la révélation d'une sexualité enquistée entre le frère et la sœur. Ces deux malheureux qui ne se rendaient compte de rien. Voilà, je vous conseille donc de lire cette histoire maniée adroitement par les mots aiguisés de Camila Sosa Vilada, elle-même comédienne, mais également chanteuse, autrice et bien évidemment travestie. Suite à cette chronique, on va vous laisser avec la chanson « Bash Back Baby » de Mauve, une artiste trans-grenobloise qui va venir jouer à Saint-Étienne pour la soirée du Lobby Trans le 23 novembre à La Gueule Noire. Moi, j'ai écrit une chronique un peu test, une chronique de tentative de colère, qui j'espère donnera autre chose après. J'ai écrit ça vite parce que ça fait un moment qu'on en parle tout le temps entre amis, amour et camarades. Le sujet que je veux aborder s'appelle la misandrie. Attention, pas la misandrie inventée par les mascus pour se raconter que le monde serait pas taillé sur mesure pour eux. Je parle de la misandrie, revendiquée ou non, assumée ou non, de nombreuses personnes dans les milieux plus ou moins féministes, et même LGBT féministes, queer féministes, voire transféministes. La misandrie considérée comme une façon de lutter et de faire de la politique. Dans cette chronique, je vais parler à un tu imaginaire, alors désolé d'avance si c'est un peu agressif, mais ça fait longtemps que ça macère dans mon ventre. Alors oui, si c'est effectivement très agaçant d'entendre des « not all men » quand on parle de violence patriarcale, et que c'est très normal de reprendre les gens qui disent ça quand c'est inadapté, même si je suis très bien placé pour comprendre pourquoi à plein de moments on n'en peut plus des types autour de nous et dans la rue et au boulot et à la télé et partout, en vrai, tu sais quoi ? « Not all men ». Désolé, je vais pas porter ton t-shirt « Men are trash ». Toutes les personnes que tu considères comme des hommes ne sont pas au sommet de la pyramide des privilèges que tu adores utiliser comme seule grille de lecture du monde parce qu'elle t'arrange. Tous les mecs ne sont pas cisgenres, tous les mecs ne sont pas hétéros, tous les mecs ne sont pas blancs et tous les mecs ne sont pas riches. Derrière ta misandrie, il y a aussi ta flemme de te remettre en question et de prendre en compte la complexité du monde et des rapports humains. C'est pas la peine de passer ton temps à rabâcher le mot « intersectionnalité » si c'est pour être incapable de capter que derrière ça, il y a tout un monde que tu veux pas prendre en compte, parce qu'il faudrait accepter d'être autre chose qu'une victime. Oui, je sais, ça pique, mais il va falloir se poser toutes les questions. Déjà, tu sais quoi ? Moi, avant d'être une meuf trans, j'étais un mec. Un mec cis-hétéro même. Alors ça va peut-être pas plaire à mon psy que je dise ça, et à peut-être plein d'autres gens, et peut-être que c'est pas les bons mots, et peut-être qu'il y a être et être. N'empêche que j'ai joué ce jeu-là, longtemps, en allant très mal, en faisant pas du bien aux gens autour de moi, et que ça m'a bien saccagé le cerveau, et le corps aussi. Et qu'après 13 ans de roleplay, j'ai en plus eu le plaisir de rencontrer les féministes misandres, qui m'ont appris à encore plus me détester. À détester mon corps, mon désir, ma sexualité, ma voix, mes pensées, et m'ont dissuadé et même interdit de transitionner pendant encore 3 ans. Et en fait, tu sais quoi, j'étais même pas toute seule à vivre ça. Dans mon entourage, on était plusieurs garçons très gentils à se plier en quatre pour rentrer dans le cadre du bon mec allié hétéro établi par les meufs autour de nous, jusqu'à se détester hyper fort, jusqu'à se faire du mal à soi-même et entre nous. Et tu devineras jamais ce qui s'est passé à la fin. On a toutes transitionné, MDR. Alors si je dis « not all men », c'est déjà parce que derrière chaque garçon fragile, il y a peut-être une pédale ou une meuf trans. J'ai perdu mon endroit, exactement. Ensuite, peut-être, j'ai mal compris, mais pour moi, dans le féminisme, quand on dit « les hommes », on parle de la catégorie sociale « homme ». On parle des personnes qui ont la fonction homme dans le système de pouvoir cis-hétéro-patriarcal blanc. Les personnes qui ont et gagnent du pouvoir grâce à ce système. Et d'ailleurs, tu te souviens quand t'avais fait semblant de lire Monique Wittig, comme tout le monde, hein, moi non plus, j'ai pas tenu tout le long, t'étais trop contente de dire « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Ça voulait dire ça, ça voulait dire « je sors de l'hétérosexualité, je sors du rapport de domination genrée qu'impose l'hétérosexualité, et je quitte la fonction femme dans ces rapports-là ». Ce qui ne veut pas dire que je sors de tous les rapports de domination, mais de celui-là, si. Et donc, si on pousse le raisonnement à peine plus loin, tiens-toi bien, roulement de tambour, les PD ne sont pas des hommes. Et si tu fais partie des personnes qui pensent que les mecs cis-gays ne sont pas victimes du patriarcat et ont les mêmes privilèges que les autres mecs, n'hésite pas à écouter les infos de la semaine passée, puisqu'en France, en 7 jours, il y a eu 2 tentatives de meurtre et un meurtre sur des hommes gays. Et aussi, n'hésite pas à écouter n'importe quel pédale te raconter sa vie. Quand des mecs gays ont du pouvoir, ce n'est pas spécialement parce que ce sont des hommes, mais parce qu'ils sont riches ou blancs, voire souvent les deux à la fois. Autre chose, ta misandrie, quand tu l'affirmes, quand tu la revendiques sur tes réseaux sociaux, dans tes soirées, dans tes flyers et tes affiches, dans tes mixités choisies, tu peux être sûr qu'elle fait fuir tout un tas de monde. Ça fait fuir les PD d'abord, mais aussi les mecs trans, ceux qui auraient un peu trop de passing et seraient obligés de s'outer pour être sûr d'être considérés comme inoffensifs. Et bien sûr, les meufs trans. Qu'elles aient du passing ou pas, parce qu'au fond, à quel moment oser imaginer qu'on va arrêter d'être terrorisé à l'idée de pénétrer dans un espace féministe. Flinta, dans mes oreilles, ça sonne vraiment comme flic. Et comme je vais me sentir toute seule à la soirée. Ta misandrie, c'est aussi un immense piège pour ne pas remettre en question la blanchité de nos féminismes, de nos outils politiques et de nos espaces. C'est un joli vernis pour ne pas t'avouer que tu as peur des mecs arabes, que tu apprécies les mecs noirs seulement quand ils sont calmes et un peu désolés d'être là, mais que tu peux ranger tout ça dans « j'aime pas les hommes », dans l'expression « gérer les relous ». Cette misandrie, c'est au fond ça, c'est une altération, c'est faire des différenciations hyper claires entre nous et les autres. Mais là, aujourd'hui, en France, les autres, c'est les fachos et les flics, c'est pas les PD, pas les travelots, pas les arabes et pas les noirs, pas les mecs trans, pas les alcoolos, ni les types qui traînent dans la rue. L'ennemi, c'est les mascus, les flics, les colons et les milliardaires. Pas la masculinité. L'ennemi, c'est le pouvoir et ceux qui l'ont vraiment. Dans ta misandrie, il y a le fait de ne pas réaliser qu'il y a des millions d'hommes sur Terre et même autour de toi qui ont moins de pouvoir, moins de liberté et moins de libre-arbitre que toi. Je dis pas que t'es pas au jus de ça, je dis que s'affirmer misandre, ça participe à cette culture-là. Et ça participe aussi à te sortir de la catégorie des agresseurs et des agresseuses ou des personnes craignos potentielles. À ne pas questionner honnêtement ton propre rapport au consentement, à éluder la question de notre rapport collectif à la culture du viol et au rapport de pouvoir. Tu sais quoi ? Dans ma vie, j'ai subi des agressions par plus de meufs cis que par quelque autre catégorie sociale. Et si c'est dur à entendre, je peux te dire que ça nous fera du bien à tous et toutes de se checker un coup là-dessus, de mettre les mains dans la merde et de détricoter jusqu'au bout ce que font de nous le patriarcat, l'hétéronorme, le racisme et le capitalisme. Enfin, vraiment, ta misandrie, elle me rend triste, parce que je vois toutes celles et ceux que ça déshumanise, parce que parfois tu es même trans, et tu te revendiques misandre, et je comprends vraiment pas parce que ça me fait mal au ventre, et ça me rappelle trop le fait de se détester soi-même, et je souhaite ça à personne, vraiment à personne. J'ai envie qu'on change le monde avec de la colère, de l'honnêteté, du courage et de l'empathie. J'ai envie de trouver la force de détruire le monde qu'on nous construit et de m'attaquer vraiment à celles et ceux qui le défendent, sans avoir besoin de déshumaniser tout le monde au passage. Merci. Eh ben, merci pour cette petite chronique. Je vais continuer sur une chronique sur un bouquin. Alors, bonjour et bienvenue sur Pédérama, la rubrique culturelle de Pédale Scandale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau livre sorti à la rentrée, Blackouts, de Justin Torres. Justin Torres est un auteur des États-Unis d'origine portoricaine qui avait déjà sorti un autre livre qui s'appelle Vie animale, qui est assez différent mais très bien aussi, je vous le conseille. Ceci dit, c'est pas le thème d'aujourd'hui, alors je vais plutôt vous parler de Blackouts. Blackouts, ça raconte la rencontre entre un PD jeune et une pédale plus vieille à deux moments de leur vie. Une première fois quand le jeune est ado, ils se rencontrent à l'HP où ils sont tous les deux. Et la deuxième fois, 10 ans plus tard, la pédale plus vieille est en train de mourir et le jeune vient la voir et passer du temps ensemble. Bon, ça c'est le fil global, mais le bouquin est beaucoup plus foutraque et décousu que ça. C'est un genre de grande conversation qui va dans tous les sens, avec des bouts de leur rencontre, des dialogues, des bouts d'histoire, de l'un ou de l'autre. Et aussi plein de photos, archives, chansons, racontages de films, bouts de texte au milieu de tout ça. Il y a moyen d'être un peu perdu et de pas trop savoir où ça va, mais finalement, comme dans une rencontre avec quelqu'un, ça va à la fois nulle part et à plein d'endroits. Du coup, c'est un peu dur de vous raconter clairement de quoi ça parle, mais je vais essayer. Sur des bouts, ils se racontent leur vie de pédale. Sur des bouts, leur vie de personne d'origine portoricaine aux États-Unis. Ça raconte aussi des bouts de leur histoire avec la psychiatrie, vu qu'ils se sont rencontrés à l'HP. Et tout ça, ça se mélange, et ça se mélange aussi entre leur vie personnelle et l'histoire plus globale. Parce que le plus vieux des personnages, il donne au plus jeune un genre d'héritage. C'est une pile de documents qui sont un genre d'archives personnelles. Et il va raconter au fur et à mesure l'histoire de ses archives, et par la même occasion, une histoire ou un bout d'histoire de l'homosexualité aux États-Unis. Un bout de ses archives, c'est une étude des années 30 sur les déviances sexuelles faites par des scientifiques. J'ai oublié le nom du bouquin. Il a un rapport un peu familial à cette étude parce qu'il a un genre de mère, il a eu un genre de mère adoptive lesbienne qu'il a rencontrée quand il était enfant, qui s'appelle Jane Gay, qui a participé. Jane Gay, qui pour le coup est une vraie personne qui a existé, comme l'étude d'ailleurs, avait fait des entretiens avec plein de personnes homosexuelles sur leur vie et leur rapport au sexe, et elle s'est retrouvée à participer à cette étude pour finalement se faire avoir par les scientifiques plus haut placés et hétéros qui en ont fait une étude sur les déviants sexuels. Et ça a participé à faire que l'homosexualité soit considérée comme une maladie mentale. Bon, en fait, ce qu'il y a comme archive, c'est des extraits de ce bouquin, mais tout barré au marqueur. Il reste que quelques mots par-ci par-là qui font comme une poésie, ou un texte dans le texte, parce que sinon, ça serait trop simple. Et comme il le raconte, c'est pas du tout aussi linéaire que ça. Il raconte des bouts, ça repart sur autre chose. Il raconte son histoire avec cette lesbienne, son histoire à elle, au milieu de tout le reste. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que ça parle de transmission, d'histoire, mais ça n'a rien d'universitaire ou de dogmatique. Ça raconte la rencontre avec une première personne PD dans sa vie, ou comment on peut avoir des rencontres des fois qui nous marquent et qui nous construisent parce que la personne nous donne plein de billes sur notre vie, sur des morceaux différents, en racontant des bouts de sa vie ou celles d'autres personnes qu'elle a connues. Et du coup, comment ça marche de se transmettre une histoire ou une culture minoritaire? Parce que dans ce livre, ça mélange trois générations différentes, et donc une histoire qui va de 1930 à maintenant à peu près. Voilà, j'aurais bien sûr adoré vous lire un extrait, mais malheureusement, j'ai pas pu m'empêcher de prêter ce bouquin. Alors, à moins de vous inventer un passage, faudra le trouver par vous-même. Et derrière, on va écouter une chanson de Biano Antiano qui s'appelle « Mala Mia ». Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel. La muñeca, la brasa, tu model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apelo. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la de Tiria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel pa' ser mi adversaria. Mira cómo visto, cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, wow, wow, no soy parte de tu fosi. No corro contigo negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita. Si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón. Si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que descabrona, la que los encabrona. Llegó la go, llegó la cabra, so cabrona. Aquí tú y tú es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Métale en el aire porque voy chillando goma. Mi títer es Matur, se me mudó para Oklahoma. Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma. Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematoma. Gatita mala, leona como Nala. Corro por la sabana brincando como un impala. Cuidado que te resbala, estoy soplando bala. Tatuaje de mandala en las tetas como Rihanna. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel. La muñeca, la brasa, tu model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. Nous sommes toujours dans l'émission Pédale Scandale sur Radio Audio 89.5. Je voudrais vous parler d'un livre qui s'intitule Un désir démesuré d'amitié d'Hélène Giannichini aux éditions Seuil. Alors, dès le début du livre, il est question de plusieurs symboles, notamment le fameux triangle rose, qui peut être une version de l'insigne avec lequel les nazis marquaient les homosexuels, mais ça peut aussi être un symbole de la communauté gay. Tout dépend de son orientation. Pointe vers le bas, c'est un insigne de mort. Pointe vers le haut, c'est un emblème de lutte. Tout ça pour dire que dans le premier chapitre, l'autrice Hélène Giannichini parle d'un jour où elle est à Amsterdam avec ses amis et qu'elle se retrouve à aller se recueillir à l'Homo Monument. Alors l'Homo Monument, qu'est-ce que c'est ? C'est le premier mémorial au monde érigé à la mémoire des personnes homosexuelles persécutées et opprimées. Il a été inauguré en 1987. Ça prend la forme de trois grands triangles roses en granit. Pourquoi ce symbole ? Pourquoi cette histoire ? Parce que, en fait, dans ce bouquin, il y a tout un travail autour de l'archivage et la question des archives de la communauté queer et PD, qui est tout un travail qu'a élaboré l'autrice. Elle se base notamment sur des textes et des photographies issues des Lesbian History Archives. Pardon pour l'accent. Quoi, elle s'appuie dessus pour comprendre et faire des liens avec son existence de femme lesbienne. Dans ce bouquin, il y a aussi plein de références à des expériences perso, la construction de sa famille, de ses pères, ses papas, de ses amis, etc., d'amoureuses. Mais dans ce livre, il y a aussi des questions relatives à comment s'organiser, comment faire après, comment on peut rêver ensemble, comment construire ses futures amitiés. Il y a par exemple les questions de créer des lieux, des sortes de maisons de retraite queer où on vivrait entre copains, quoi, en s'organisant ensemble. Dans ce livre, il est plusieurs fois fait référence à la mort sous différentes manières. Et il y a notamment de comment que ça se passe quand on meurt. Légalement, en fait, c'est à la famille de gérer les obsèques. Or, parfois, on aurait plutôt envie que ce soit nos amis qui s'occupent de ce moment d'adieu, de revoir. Il y a une petite citation dans le livre qui est de l'autrice qui cite Saint-Just, qui dit « Mais qui a décidé que nous devrions passer l'éternité en famille ?» Moi, là-dedans, j'entends par exemple le fait d'avoir un petit caveau familial où on va se retrouver avec une famille avec qui potentiellement on n'a plus aucun lien, quoi. Et peut-être qu'on aurait préféré d'être enterré quelque part ou que nos cendres soient dispersées à côté de cendres de nos meilleurs potes, par exemple. Je vais dire une citation, je ne sais pas pourquoi je la mets là, mais je la mets là, qui est « L'amitié est politique. Elle nous donne envie d'inventer d'autres modes de vie. Elle ne nous rend pas dociles. Bref, tout ça pour dire qu'Hélène Giannichini aussi, quand elle parle d'amitié, elle parle de ses différentes forme que ça peut prendre, des distinctions des rôles sociaux qu'il y a derrière ce terme, parce qu'on va différencier des collègues, des amis, des amoureux, des amoureuses, de la famille. Paf, pif, pouf, je vais vous parler du sida. Parce que c'est elle qui en parle, en fait, Hélène Giannichini. Elle parle de l'héritage de notre communauté, de notre histoire. Et du coup, je vais vous lire un petit extrait. Qui est « Nous avons commencé notre vie sexuelle dans l'angoisse, mais nous ne mourrions pas. Les avancées thérapeutiques avaient fait advenir un autre temps, si bien que le sida nous semblait lointain. C'était un mot familier, mais une réalité abstraite. » Avec ça veut dire, enfin moi je me reconnais un peu là-dedans, donc on doit être à peu près dans les mêmes âges, du fait que moi, j'ai grandi avec la peur de mourir en faisant l'amour. Je mets des guillemets parce que c'est aussi une citation du livre. Mais dans le sens où on nous disait « faut se protéger, faut mettre des capotes ». Mais en fait, moi, je n'ai pas connu beaucoup de gens qui sont morts de cette maladie, par exemple. Et l'autrice du livre, elle en parle parce qu'elle parle de sa relation avec Myriam. Myriam a 40 ans, Hélène, elle a 24 quand elle se rencontre. Et du coup, il y en a une des deux qui a vécu ça de près, dans le sens où elle a perdu plein d'amis de cette maladie. Ça fait partie de son histoire. D'ailleurs, Myriam, à un moment dans le livre, elle dit « Mais tu pouvais pas savoir, tu n'y étais pas. » Et dans le sens... nous, on a eu dans notre héritage, nos générations, on a entendu parler de ces histoires de sida, mais il y avait quand même un gros tabou, il y a une grosse chape de béton qui a été coulée dessus pendant des années. C'était un sujet qui n'était pas abordé, quoi. depuis quelque temps, ça revient. On reparle des actions d'ACT UP. Il y a eu des films comme 120 battements par minute, par exemple, où on s'est emparé de ces questions-là. Mais pendant des années, en fait, c'est une thématique qui était étouffée dans les médias mainstream, quoi. J'ai peur d'être un peu long. J'avais d'autres trucs à vous raconter, mais je vais m'arrêter là. Si je vais juste quand même dire que ce livre, si on veut pousser sur les questions d'amitié, bah, je vous invite aussi à lire un autre livre qui s'appelle Nos puissantes amitiés, qui a été écrit par Alice Rebaud, où dans ce livre, on aborde la question d'engagement entre amis, quoi. Et puis il y a la notion de couple, notamment de couple hétéro, qui s'en prend un peu plein la gueule. Voilà, vous êtes toujours sur 89.5 à l'émission Pédale Scandale. Et on va écouter la chanson Pénis de femme des Desert Girls, qu'on retrouvera aussi à la Gueule Noire le 23 novembre dans le cadre des soirées Lobby Trans. Pénis de femme. Pourquoi ? Chaque nuit en secret, on s'introduit dans les toilettes des vraies femmes, comme on dit. On fait pipi debout sous les néons, car c'est notre projet et c'est notre passion. Gargarisme terne et de rats moutons, les meufs habitent, nous rameutons. Non mais, moi je pense qu'elles ont quand même le droit d'être des femmes, même si elles n'ont pas de pénis. Pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entre jambes, comme le dragon dans la légende, crasheux des flammes. Pénis de femme. L'école des femmes ou quoi? Excuse-moi, t'es un garçon ou t'es une table? Laissez-nous perdre aux fautes, battez-nous aux échecs, coupez-nous quand on parle, surtout parlez-nous mal. Payez-nous moins que les mecs, suivez-nous dans la rue, tout comme des vraies filles, parlez-nous de nos culs. Laissez-nous nous haïr, mettez-nous en tempête, faites-nous des bébés, des jumeaux, des triplés. Réarmement démographique, armé de meufs avec des bites, c'est tellement bon pour le passing quand tu me traites d'hystérique. Pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entre jambes, comme le dragon dans la légende, cracheur des flammes. Pénis de femme, pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entre jambes, comme le dragon dans la légende, cracheur des flammes. Pénis de femme. Jour 1. Assis dans un bus qui part de Marseille en direction de Paris, je me sens déjà mal. Un gars, assis deux rangées derrière moi, vient d'ouvrir sa 8-6 en pensant être discret. Si je ne m'agrippais pas à mes 10 mois de sobriété comme à une planche de bois dans une mer déchaînée, je ferais pareil. Ce trajet en car va être long, et je le connais bien. C'est moins cher que le train que je ne peux plus payer. Et au moins, dans un bus qui fonce à 130 km/h sur l'autoroute, on ne peut rien me demander d'autre que d'attendre l'arrivée. Je n'ai rien à gérer, rien à penser et rien à protéger. Dans ma vie, c'est un luxe. En reniflant la bière, je me dis que l'alcool et moi, c'est une longue histoire. On traîne ensemble depuis mes 13 ans. Ça fait déjà 18 ans. J'en parle tout le temps comme d'un mec que je serais toxique et destructeur, mais qui serait aussi celui qui me fait le plus rire. Dans ces moments-là, je me questionne toujours un peu. Parfois, j'ai peur de me faire de la peine à moi-même en admettant que le Mario d'avant était un inadapté. Sans alcool, je dois tout réapprendre, tout reconstruire. parler, marcher, respirer, baiser, embrasser, dormir, manger, rigoler et chanter. Je ne suis même pas sûr de l'avoir su un jour. Et au fond, je sais bien que c'est ni l'alcool, ni la drogue, ni le sexe, ni les autres le problème. Le problème, c'est l'addiction. C'est l'émotion. Toute cette émotion que je ne sais pas contrôler et que j'essaye de camoufler avec des bières et des hommes qui me blessent. Tout ce qui peut me faire oublier ou disparaître. Quand le car s'arrête enfin, je vais lui gratter une clope, juste comme ça, pour voir. Il s'appelle Georges, comme le premier mec que j'ai aimé et qui a fini à l'hôpital psychiatrique. Le premier qui m'a donné envie de jurer que je ferais tout pour être quelqu'un de normal, raté. Celui du bus a des clopes, il est aussi brun, beau et hétérosocial. C'est un mot par lequel je désigne les gars qui couchent avec nous mais mènent une vie hétéro. Les mariés, les en couple et les célibataires mais qui ne sont pas disponibles pour nous. On n'imagine pas à quel point ils sont nombreux. Dans son regard, je suis sans doute un joli garçon qui pourrait le sucer dans les toilettes, ce qui est vrai. En réalité, je suis aussi un joli PD qui aurait pu être sa femme s'il n'avait pas transitionné. Ça, il ne le sait pas. J'ai bien conscience de l'endroit étrange où je me trouve, entre les deux. Pendant qu'on s'approche l'un de l'autre, un couple de jeunes hétérosexuels passe en riant et Georges recule. Si la peur du regard des autres hétéros, c'est que je suis bien un homme, et probablement un PD. Dans ces situations, je ressens toujours une émotion double. La douleur de l'homophobie et la honte intériorisée bien sûr, mais aussi une petite joie à l'idée d'être passé de l'autre côté. 8 ans après ma transition, je me pose encore un tas de questions. La principale, comment être heureux dans tout ce bordel? Avec Georges sur le parking, je joue à l'homme cisgenre homosexuel sans avoir la moindre idée de comment il réagirait s'il savait que je suis trans. Non, je rigole, je le sais très bien. Il voudrait mettre sa bite dans ma chatte, comme à peu près tous les mecs qui flirtent avec moi dans des lieux publics. La question est généralement, dans quel trou vais-je la mettre? Plutôt que, ce trou est-il assez normal pour que je l'y mette? Dans un mois, je vais avoir 32 ans, âge que je n'ai jamais pensé atteindre. Ça me stresse un peu, parce que c'est bien l'espérance de vie le problème. Ce n'est pas sûr que les trans vivent aussi longtemps que les cisgenres, même sans considérer les taux spectaculaires de suicide et d'overdose. Quant au PD, ce n'est pas franchement mieux. On le sait des pauvres et des ouvriers, mais quid des personnes racisées, des sans-papiers, des putes, des toxicos, des alcooliques, des tarés, de tous les autres ratés de la bonne existence. Est-ce que tous mes amis vont mourir jeunes? Et moi? Au fond, je me sens déjà moins inexistant qu'il y a quelques années. Mais pourquoi tant de mes potes sont-ils morts? Pourquoi ceux qui restent sont-ils défaits comme s'ils avaient perdu des guerres? Et moi, pourquoi ai-je systématiquement choisi le drame plutôt que la joie? Un jour, un ami m'a dit « Ce n'est pas ton âge qui importe, vraiment ce sont tes années depuis la transition, et tu verras, les vieux trans sont rares. » Il a raison, mon âge réel ce sont les années depuis le placard, mais elles comptent triple. Après 8 ans de transition, je me sens vieilli tout en étant un plus jeune mec que n'importe quel homme cisgenre de mon âge. En quelques années, j'ai enterré plus d'une dizaine de connaissances et d'amis proches et lointains. Je compte les suicides et les overdoses comme d'autres comptent les pâquerettes. Les causes sont toujours les mêmes, entre désespoir et fatigue chronique. Les sociologues appellent ça le stress minoritaire, et j'essaye de ne pas trop y penser. Un jour, une amie m'a dit que si je n'y faisais pas gaffe, ce serait moi le prochain. Elle criait et pleurait beaucoup, et moi, je faisais semblant de ne pas comprendre, en descendant une bouteille de gin. Je me dis souvent que le but de la vie, c'est l'apprentissage. Ce que j'ai décidé d'apprendre est simplement un peu plus ardu que pour les autres. Moi qui suis un homme avec une chatte, qui aime des hommes qui, eux, aiment les hommes qui n'ont pas de chatte, quelle galère! Il n'y a pas de livre pour expliquer ça, pas de manuel pour me dire comment être un homme, encore moi, un homme comme moi. Alors je fais ce que je peux. Être un homme trans qui aime les hommes, c'est aussi être à un endroit de perpétuelle explication. Et si je veux communiquer, je dois accepter d'être un pont entre des lieux tellement éloignés les uns des autres que j'en perds parfois le sens du voyage. Je ne peux pas dire que j'ai été une femme réussie. J'ai été trop bruyante, trop folle, trop intense, trop bizarre. Sûrement trop salope, dehors, et trop frigide, dedans. Pourtant, je suis moins empêché par ma chatte et mon assignation primaire que par mes incertitudes vis-à-vis de la vie. Comment ça reste en vie un PD? Et un trans? Et les deux? Et moi qui ne suis même pas seulement ça, mais aussi comme tout le monde, un amalgame entre tragédie et grand bonheur. Comment je me construis une vie? Parfois, je me dis qu'être un bon déviant, c'est un paradoxe social. Ce n'est peut-être pas très joli de se désigner soi-même comme monstre, mais quand toute la société nous le fait ressentir, comment ne pas en devenir un? Bien sûr que je suis le monstre du placard. On peut d'ailleurs agiter mon image pour faire peur aux enfants et aux bonnes familles. Je ne dois influencer personne et surtout être oublié. Peu importe d'ailleurs que la normalité de la société soit fondée sur ma monstruosité. Peu importe aussi que les monstres meurent jeunes, seuls et tristes. Moi j'ai toujours été bon élève, alors si on me dit qu'un bon trans est un trans mort ou triste, je suis prêt à appliquer la règle à la lettre. Je crois que je n'étais pas préparé à tout ça. Je ne suis même pas sûr d'avoir vraiment envisagé de rester longtemps ici. Et plus que la masculinité, c'est peut-être la vie telle qu'on est censé la vivre qui m'angoisse. Je n'ai pourtant jamais su consommer de manière raisonnable et éviter la mise en danger. Parfois, je suis bien trop naïf. Et puis dans la possession, il n'est plus question de solitude. Un chien peut être méprisé ou battu, mais il n'est jamais seul. Il reste avec son maître. Alcool, homme ou drogue, la laisse reste la même et je n'avais jamais vécu seul. J'avais besoin de comprendre. Avec lui, tout était trop. Inconnu, attirant, terrifiant et différent de ce que je pensais connaître. Moi qui ne savais pas faire la différence entre viol et sexe violent, j'ai été bien incapable de lui dire que j'étais terrifié parce qu'il n'était pas en train de me violer ou d'essayer de m'assassiner. Que je ne connaissais pas mes limites parce que personne ne m'avait jamais rien demandé et que j'avais menti quand j'avais dit que je savais ce que je faisais. Je crois que j'avais peur de passer pour un faible. J'ai dû pleurer au moins 1 litre de larmes dans ces putains de toilettes, à me frapper les joues en m'ordonnant d'être plus fort. J'ai eu l'impression d'avoir raté l'examen de ma masculinité, de mon adultisme et de mon indépendance. J'en ai été très triste. Et quand je suis rentré à Marseille et qu'il m'a ghosté, il ne m'est resté que la sensation que j'aurais dû mieux faire. Elle m'habite depuis que je suis enfant. Faire mieux, être mieux, et surtout correspondre à ce qu'on attend de moi. Je suis devenu fou, et j'ai pleuré pendant des mois, pour ne pas rester seul avec moi-même. Ma vie, mon passé, ou tout simplement pour ne pas avoir à réfléchir. J'appelle ça la douleur fixe. Et puis je suis sûr qu'on est beaucoup à connaître ce petit truc qui permet de ne pas avoir à gérer ses angoisses. Cet homme du passé qu'on a perdu, cette chance qui nous est passée sous le nez, cet acte qu'on regrette, cet ami qu'on n'a pas sauvé, cette chose qui aurait changé notre vie et qu'on ressasse dès que ça ne va pas. Toute cette douleur qu'on projette sur un truc tangible et qui nous empêche d'être seuls. Avant c'était la bouteille, après c'était lui. Et je crois qu'il faut que ça s'arrête. C'était des extraits du début du livre « Vous vouliez ma chaleur, vous aurez mon feu » de Paulo Higgins sur une instru mélancolique de Brise. Paulo Higgins est un PD trans marseillais qui bosse dans la santé communautaire. Dans ce livre, il ne raconte pas sa transition, mais sa vie de PD trans dépendant. Il raconte les difficultés du quotidien, la peur de celles qui partent, la force de celles qui restent, les addictions, la solitude, mais aussi tout l'amour qu'on se donne entre potes, ce qui nous aide à rester. Ce livre, je l'ai surkiffé. Je l'ai dévoré 2 fois en quelques semaines. Parce que j'ai eu l'impression qu'il parle de moi, de ma vie, de vieux PD trans, polytox. Et c'est pas souvent que je me retrouve dans des récits. Je crois que j'aurais bien aimé d'ailleurs l'écrire, ce livre. J'aime sa façon de raconter les déviances, les dépendances, la recherche perpétuelle de nouvelles expériences sexuelles, les interrogations sur la construction de nos masculinités. À la fin du livre, il remercie les alcooliques et les narcotiques anonymes, grâce à qui il a réussi à être sobre aujourd'hui. Alors cette chronique, c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire quelques mots sur les narcotiques anonymes, grâce auquel aujourd'hui j'en suis à mes 18 jours de sobriété. Les narcotiques anonymes, NA comme on les appelle, c'est une communauté de dépendants en rétablissement. Ce sont des réunions régulières qui se basent sur un programme en 12 étapes, dont la première est d'admettre que l'on est dépendant et que la dépendance, c'est une maladie. Et ça commence chaque jour par se dire que juste pour aujourd'hui, je vais essayer de ne pas consommer. Et ça marche, même si la route est longue et pleine d'embûches et que les rechutes, elles sont souvent possibles. À Santé, les narcotiques anonymes, c'est tous les lundis soirs à 19h30 à la Maison des Associations. Il y a aussi plein de réunions en visio et notamment des rues en mixité choisie LGBTQIA+, ou queer. Merci à la personne qui m'a convaincu de venir, elle se reconnaîtra. Et aussi à toutes les personnes que j'y rencontre et qui y partagent leur vécu. Merci aussi à tous mes potes tox, dépendantes, souvent transées ou racisées d'ailleurs, pour le soutien, les coups de fil et les messages d'amour des dernières semaines. Nous sommes abîmés, pleines de traumas, mais aussi et surtout pleines de force. Et je crois que l'autosupport entre dépendantes, c'est la seule manière de s'en sortir. Je vous aime et je vous dédicace ainsi qu'à celles qui ne sont plus là, ce nouveau morceau de Brise. Brise, c'est une rappeuse qui sortira son nouveau EP le 18 novembre. Vous pourrez le trouver en tapant Brise sur les réseaux et sur sa chaîne YouTube La Zone Attentat Sonore. Allez écouter, c'est super, elle aussi on l'aime. Et le morceau, ça s'appelle Bande de ouf. La best life, j'ai beaucoup d'appétit. Nos réels sont nourris de leur regard de mépris. J'avise à vivre, on vit leur haine. Dans la gova, je passe à 6ème juste pour me vider la tête. De nos vidas, c'est la guerre pour assumer nos chairs. Et tous les jours, je prendrai cher si je calculais leur mère. Et tous les jours, c'est la même. Mais on va pas se laisser faire malgré nos chutes et les TS. Reste fier, c'est nous les DS. Pour mes potes, accès DS de vraies reines. Au fait, c'est qui tient les rênes. J'écoute plus leur discours pété. On arrive à contre-courant pour tout casser dans la mêlée. Tous traumatisés. Activable à la seconde près. Vas-y bouge ton body, oh. Get ma team trans beautiful. Dès qu'on est sortis, on leur met les hauts. Soirée queer, ça nous met le haut. Vas-y bouge ton body, oh. Get l'équipe so beautiful. On arrive en ville, ils ont les hauts. Racisés par des gros oh oh oh. Violence chronique dans le chromie, je m'applique à vomir. Ces comiques nous font pas rire. Avis tempête cosmique sur toute leur rhétorique. On est le test clinique qui va les finir. À ce type, on est à la Gen Z. Mais c'est quoi qui va suivre? J'ai un d'époque 90 dans les boosters. Mais les gaz, y'a les cops qui courent. 2012 et les cagoules poussent. Scred est dit aux EDCR. Ouais, l'équipe était vive. On évite fiché S dans la street visé par les CRS. Car Riot était notre messe. 12 piges de colère dans les verres qui coulent dans mes veines. Sens-tu monter la chaleur de nos DTR? Vas-y bouge ton body, oh. Get ma team trans beautiful. Dès qu'on est sortis, on leur met les hauts. Soirée queer, ça nous met le haut. Vas-y bouge ton body, oh. Get l'équipe so beautiful. On arrive en ville, ils ont les hauts. Racisés par des gros oh oh oh. Voilà. Alors, pour suivre, moi, j'avais envie d'écrire une chronique sur le conflit, mais j'ai pas pris le temps. Alors du coup, j'ai écrit une chronique sur Edith Préto, c'est plus rapide. Voilà. En préambule, je tiens à dire que je me sens absolument pas compétent pour donner quelconque analyse musicale de cette personne. Voilà, je tape « musique pour ranger ma chambre » sur YouTube quand je veux écouter quelque chose de motivant. Donc j'ai ce genre de niveau d'exigence musicale. Voilà. Alors en fait, moi, j'ai envie de parler de Edith Préto parce que je pense que c'est grâce à lui... Si j'ai envisagé d'être PD pour la première fois, à 16 ans, c'est à lui que j'ai crié en plein concert à 17 ans, la veille de mon bac de philo, et dit « je vais transitionner pour toi », un peu en rigolant. Lol, ben maintenant c'est fait. J'ai envie de parler d'Edith Préto, parce que c'est un peu la honte d'aimer un truc aussi mainstream et aussi peu radical. Mais comme on a fait une émission sur la honte, ben maintenant on n'aurait qu'à dire que je suis libéré de ça. Je pense que c'est la première fois que j'ai entendu publiquement à la radio qu'on pouvait être un garçon sans être trop viril dans une chanson d'Edith Préto et que du coup, ben moi aussi, je pouvais être un garçon. Je pense qu'avec lui, j'ai eu envie d'être pédé avant d'être trans, mais ça marchait pas trop dans ce sens-là. Alors maintenant que j'ai l'impression d'être un peu à l'aise dans les deux catégories, j'ai ces chansons du début que je sentais sous ma douche à 16 ans qui reviennent un peu apaiser certains des aspects de ma vie. En redescente, après un énième after qui a encore fini à 11h, un goût des trois drogues que je m'étais promis de pas mélanger dans la gorge, et un plan grinder qui m'a pas fait tant de bien, sa chanson « Faites de trop » me fait toujours sentir un peu moins seul. Random m'apaise sur mes crushs obsessionnels, Ego parle directement à mon envie de devenir une star. Normal me fait crier « Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans, même si je suis au fond de mon lit ?» Et Grave me paraît être la chanson idéale à passer à des ados en cours d'éducation sexuelle. Alors Eddie, même si tu pourrais faire des concerts à prix libre pour soutenir des luttes stylées, utiliser ta notoriété pour parler du génocide palestinien sur Insta, ou faire une chanson qui pousse les PD à brûler les keufs, ben je t'aime bien quand même. Et maintenant que j'ai transitionné et que je suis beaucoup plus à l'aise avec mes désirs PD, si tu veux qu'on baise, je suis chaud. Ou juste chanter pause avec Isolde pour m'endormir. Voilà, tu peux écrire un mail à Pédascandale si ça te dit. Est-ce qu'on a un mail ? Oui. Oui, oui, on a un mail. Est-ce que quelqu'un peut donner le mail, s'il vous plaît ? Pédalscandale à tryzup.net. Ouais, mais il y a des tirets, je sais jamais lesquels. Essaye, Eddie, si tu nous écoutes. Regarde sur Radio Duo, s'il te plaît. Entre Pédale et Scandale. En fait, tu vas sur le site de Radio Duo, il y a une page Pédalscandale, et là, tu peux trouver notre mail, Eddie. Parce que tu n'es pas la seule personne à l'aimer. Bisous. Non, on passe à l'agenda. Waouh. Oh my god, ok. On passe à l'agenda. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Étienne dans les temps à venir? Mercredi 13 novembre, il y a un rassemblement pour la mise à l'abri et un logement pour tous et toutes à 16h à Jean Jaurès. Dimanche, c'est comme les troisièmes dimanches du mois, tous les troisièmes dimanches du mois, c'est la cantine pour cantiner à la tablée à partir de midi. Ce sera de la poutine cette fois à manger, et c'est surtout en soutien à la famille, aux proches de Doriano, qui est un jeune qui s'est suicidé au quartier des arrivants de la Talaudière le 1er septembre dernier. Voilà, et du coup c'est pour aider sa famille à notamment attaquer la prison en justice. Ensuite, mercredi, c'est le 20 novembre, la journée du Tidor, the Trans Day of Remembrance. Il y a un rassemblement à Jean Jaurès à 16h. Après ce week-end, vendredi 22 et samedi 23, il y a deux soirées du Lobby Trans. La première à 19h au Remis Méninge avec Joyce Rivière, Lou Sauvage et d'autres invités. Et la seconde à 19h à la Gueule Noire avec DJ Cancel, Mauve, les Deserty Girls et Cubozoa. Et le 22 aussi, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. À la Gueule Noire, il y a un concert de soutien à la Maison de la Youn. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Merci pour toutes ces chroniques. On vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission. Et en attendant, on vous laisse avec Safety Trans, El Alma que te trajo. Bisous. Bye bye. Bisous. Ciao. Safety Trans. Arca. Pa' arriba, pa' abajo. Y subo, y bajo. Pa' abajo, pa' abajo. Qué majo. Regálame ese alma que te trajo. Esto es un relajo. Dame pene, me lo abro con las garras. Tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, yo pongo bien pana. Las plagas baratas, hazle tu raja que yo sé que a ti te encanta. Ya que sobran ganas, con ventaja, papi, dame gozadera. Soy una perra, pero te yo hago miau, miau, miau. Te dejo el pelucao, pao, pao. Qué susto, qué relajo. Me pica, esa pica salpica, me moja, me pica, la chicha bien rica, espesita, me salpica. La pica salpica, me moja, me pica, esa pica salpica, me moja, me pica, pico, pico, pico pa' pica. Regálame ese alma que te trajo, esto es un relajo, papi dame pene, me lo abro con las garras. Tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra, mientras tú me agarras, me pongo bien pana. Sobran ganas, con ventaja, papi, dame gozadera. Soy una perra, pero te yo hago miau, miau, miau. Te dejo el pao, pao, pao. Qué susto, qué relajo. Ajo, ajo, el alma que te hago miau, miau, miau. Te dejo el pelucao, pao, pao. Qué susto, qué relajo. Ajo, ajo, el alma que te trajo. No tenía idea de cómo la estamos partiendo, Luis y yo.